Lefebvre et Nora. Le musée Jacquemart-André est un musée de beaux-arts et d'arts décoratifs. À la base, ce musée était un hôtel appartenant à Édouard André, héritier de l'une des plus grandes fortunes du Second Empire et originaire de Nîmes. L'hôtel, construit par Henri Parent, devait à l'origine accueillir des réceptions et des fêtes dans un décor théâtral. En 1872, soit 4 ans après la construction, Édouard André a racheté la Gazette des Beaux-Arts et a démarré sa propre collection. Cette collection contenait principalement des œuvres et des objets d'art du XVIIIe siècle. Il se marie 9 ans plus tard, en 1881, avec Nelly Jacquemart, particulièrement intéressée par l'art du XIVe et du XVe siècle. Ils décident alors de s'associer et d'agrandir leur collection. À la mort d'Édouard, en 1894, Nelly est responsable du musée et annonce qu'à sa mort en 1972, elle léguera le patrimoine entier du musée à l'Institut de France. Le musée est alors inauguré le 8 décembre 1913 par le président Raymond Poincaré. Géré par l'Institut de France et la Fondation Jacquemart-André, le musée, rendu accessible au grand public, est resté inchangé depuis 1868. Le bâtiment compte encore les 18 salles et la collection, toujours la même, regroupe des peintures italiennes et françaises, aussi anglaises, ainsi que des sculptures et du mobilier d'art. Il sera ensuite sous la direction de Culture Espace à partir de 1996.